Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré un éditorial le 20 décembre à l'occasion de 2 ans de la dissolution forcée du Parti uni pour le progrès. Il a souligné « Les dessous de la répression politique de la Maison Bleue sont mis au grand jour à l'heure actuelle. L'éclaircissement de la vérité de sa dissolution et la punition des responsables sont donc devenus les tâches essentielles pour le rétablissement de la démocratie. » La solidarité active des forces pour le progrès et la démocratie s'avère très nécessaire pour appliquer ces tâches.